Si je vous dis sans équivoque, vous penserez sans obscurité, sans incertitude. À partir de maintenant, pensez aussi à Carléon et Derklaine, les roses noires du rap. Le temps d'un aperçu.